La tragédie de Boisquet, c'était une bavure manipulée. Curieux oxymore du général Poncet, qui commandait l'opération Licorne en Côte d'Ivoire. Une tragédie qui, rappelons-le, a coûté la vie de 9 militaires français en novembre 2004. Une bavure manipulée, peut-être. Mais, plus certainement, un vrai scandale d'État, si l'on en juge par les derniers développements d'une affaire qui, 10 ans plus tard, n'a toujours pas reçu de réponse judiciaire et suscite de nombreuses questions embarrassantes. Car on a rarement assisté à un tel étalage d'allégations mensongères, de demi-vérités et de négligences qui ne doivent rien au hasard. Monsieur X, qui a déjà évoqué cette affaire, a donc décidé de rouvrir ce douloureux dossier. En effet, si l'attaque aérienne de Boisquet a provoqué 10 morts, 9 soldats français et un humanitaire américain, il ne faut pas oublier qu'elle a été le point de départ d'événements encore plus meurtriers qui ont ensuite ensanglanté la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Retour donc sur l'affaire de Boisquet, sur ses mystères et ses mensonges. Mais aujourd'hui, tout est gâté. L'armée est divisée. Les étudiants sont divisés. La société est divisée. Même nos maires au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. De mal en mal. Mon pays va mal. Avant, on ne parlait pas de chrétiens ni de musulmans. Mais aujourd'hui, ils ont tout gâté. L'armée est divisée. Les étudiants sont divisés. La société est divisée. Même maman au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. De mal. Le tribalisme, la xénophobie, après l'ivoirité. Ils ont créé les houlets et les olés. Mais mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. De mal à mal. Mon pays va mal. Ojamana nyamula. On va faire gagner Jamana nyamu. Inter. Patrick Pénaud à Rendez-vous avec X. Un rappel indispensable d'abord. La Côte d'Ivoire en 2004 est un pays coupé en deux. Des rebelles se sont emparés de la moitié nord du pays. Des rebelles soutenus activement d'ailleurs par le voisin burkinabé. Et qui ont déjà tenté de déloger par la force le président Gbagbo en septembre 2002. Mais je n'entre pas dans les détails, on a assisté sur fond de conflits ethniques à des événements excessivement graves. Ça a poussé Paris à envoyer là-bas un important contingent armé. Oui, c'est la force licorne. Mais pourquoi la France, rappelez-moi, est-elle intervenue dans ce conflit? Il y a d'abord le fait que l'ancienne puissance colonisatrice est liée à la Côte d'Ivoire par des accords de défense signés aussitôt après l'indépendance. Deuxièmement, il y a la présence en Côte d'Ivoire d'une importante communauté française ou franco-libanaise, près de 20 000 personnes. Ouais, qu'il s'agit de protéger. Naturellement. Oui, mais c'est souvent un prétexte utilisé par les anciens colonisateurs pour soutenir les pouvoirs en place. Et liquider les rébellions. Vous avez raison. Mais en l'occurrence, Paris fait preuve de prudence et se refuse à combattre directement les forces nouvelles, comme on choisit de s'appeler les rebelles nordistes. Et ce n'est pas ce qu'attendait Gbagbo. Non, parce qu'il espérait de cette force licorne qu'elle mette fin à la rébellion au lieu de simplement s'interposer entre les combattants dans une sorte de couloir, la zone de confiance. Ouais. La France a donc adopté une position neutraliste ? C'est plus compliqué que ça. Parce qu'en France, au sein même du gouvernement, il existe de nombreux désaccords. À l'Élysée, par exemple, on apprécie guère Gbagbo. Un ancien militant maoïste proche des socialistes français qui a toujours vivement critiqué la France-Afrique. Mais cette ambiguïté, là, au sommet, se traduit sur le terrain ? Oui, parce que selon les ordres qu'ils reçoivent ou les sympathies de leur chef, les soldats français adoptent des attitudes différentes. Ils empêchent par exemple les rebelles de progresser vers Yamoussoukro, la capitale administrative. Mais ils ne s'opposent nullement à une offensive de l'armée nationale qui essaie de reprendre la principale ville nordiste, Bouaké. Ah, ça signifie en tout cas que la force licorne penche plutôt pour Gbagbo. Ça me paraît évident. Ouais. Et pourtant, le président ivoirien en voudrait beaucoup plus, pour lui et les faucons qui l'entourent. Les Français seraient d'abord là pour protéger les rebelles. Parce qu'ils s'interposent. Et qu'ils refusent d'appliquer au pied de la lettre les accords de défense qui lient les deux pays. De là à penser qu'ils sont de mèche avec les rebelles, il n'y a pas loin. Tout ça est effectivement très très ambigu. Pourtant, sous l'égide de Paris, une conférence de conciliation a regroupé toutes les parties. Mais je me souviens, dans la région parisienne. À Marcoussis, oui, en janvier 2003. On s'embrasse, on affiche sa bonne volonté et on signe des accords. Gbagbo s'engage à accueillir au gouvernement des représentants des rebelles. En outre, l'ONU accueille désormais sous son parapluie les 4500 soldats français déployés en Côte d'Ivoire, tandis que la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest envoie 6000 hommes. Et à ce moment-là, on peut donc espérer que la paix va régner. En principe, oui. Mais en réalité, il n'en est rien. Et d'abord parce que le président Gbagbo n'a pas l'intention de respecter ces accords. Bien au contraire, il s'attache à les saper. Alors, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas du tout envie d'abandonner le pouvoir et qu'il a parfaitement compris que si les accords de Marcoussis étaient réellement appliqués, ça permettrait à terme à ses adversaires de le détrôner légalement. Dans les urnes. Oui. Donc, pour toutes ces raisons, Gbagbo n'a pas renoncé à réduire la rébellion par la force. Et Paris le devine ? J'en suis persuadé. Les autorités françaises sont même si bien informées qu'avant l'offensive des forces armées ivoiriennes, début novembre 2004, Chirac donne un coup de fil à Gbagbo et qu'il l'engueule sérieusement. Mais rien n'y fait. L'opération Dignité, c'est son nom de code, est sur le point de démarrer. Une parenthèse auparavant. Gbagbo, qui s'est constitué un magot avec l'argent de la vente du cacao, a bien préparé son coup et renforcé ses forces armées. Et cela grâce à un Français. Ah ouais, je vois de qui vous voulez parler là. Montoya. Robert Montoya, oui, un ancien gendarme qui a autrefois appartenu à la fameuse cellule antiterroriste de l'Élysée sous Mitterrand. Ce personnage a opéré une spectaculaire reconversion de carrière. Dès 1987, il choisit de s'installer en Afrique, au Togo plus précisément, où il monte une société de sécurité. Il réussit si bien qu'il devient le conseiller d'Eyadema, le président togolais. Et fort de la protection de ce dictateur, Montoya crée société sur société dans les pays africains, recrute des mercenaires et commence à s'intéresser au trafic d'armes. Un secteur très lucratif. Et qui va prendre une dimension nouvelle avec l'implosion de l'Empire soviétique. Ah, et la dispersion d'une partie de son formidable arsenal. C'est ainsi que Robert Montoya devient le représentant de commerce en armes d'une ex-république soviétique, la Biélorussie. Il est donc en mesure de vendre à la Côte d'Ivoire une impressionnante panoplie. 2 hélicoptères d'attaque Mi-24, 4 avions d'assaut Sukhoi-25, des appareils d'une technologie ancienne mais qui peuvent être mortellement efficaces. Mais il y a aussi des véhicules terrestres, des camions, jeeps, sans compter les munitions et les armes individuelles. En outre, Montoya fournit à l'armée ivoirienne une assistance technique, une 20aine de pilotes et de mécaniciens originaires des pays de l'Est. Des mercenaires par conséquent. Absolument. Il est donc évident que Gbagbo va passer à l'offensive. À Paris, on en est sûr. D'où le coup de fil furibard de Chirac à son homologue ivoirien. Ouais, mais Gbagbo ne l'écoute pas. Et le 4 novembre 2004 au matin, son armée passe à l'attaque. Sont d'abord les Sukhoi qui sont engagés et effectuent des bombardements manifestement destinés à terroriser la population civile du territoire rebelle. Puis les forces terrestres avancent. Ouais, mais il leur faut entrer dans la zone de confiance où sont cantonnés les militaires français. Et ça pourrait mal se passer. Toutefois, les forces d'interposition françaises ne bougent pas. Elles ont des ordres. Forcément. Et le commandement français prétexte qu'il attend d'être missionné par l'ONU. Quoi qu'il en soit, pour les forces nouvelles, cette passivité ressemble à un feu plus ou moins vert accordé à l'armée ivoirienne. D'autant que le contingent marocain des casques bleus, lui, bloque l'avancée des forces de Gbagbo. C'est donc la plus grande confusion. Hein. Et les dissensions qui existent au plus haut niveau à Paris n'arrangent rien. En tout cas, ça signifie que Gbagbo est loin de pouvoir conquérir la capitale des rebelles, comme il l'a clamé au début de l'opération Dignité. C'est donc un échec annoncé. Et c'est dans ce contexte que va intervenir le drame de Bouaké. Alors, précisément. On est alors le 6 novembre. 2 jours seulement après le début de l'opération Dignité. Hein. Oui. Dans le camp français de Bouaké, les soldats sont sur le pied de guerre. Mais ils ne sont pas particulièrement inquiets. D'autant que le site, un ancien lycée, est signalé par un grand drapeau tricolore peint sur le toit. Le matin, les Sukhoi ont procédé à de nouveaux bombardements. Aussi dans le camp, on n'est pas étonné d'observer à la mi-journée le retour de 2 Sukhoi dans le ciel de Bouaké. Et effectivement, l'un de ces appareils attaque un camp rebelle voisin, tandis que l'autre survole les installations françaises à basse altitude. Donc il a certainement vu le drapeau français. C'est évident. Mais ça paraît incroyable, le Sukhoi, après avoir effectué ce passage, reprend de l'altitude, vire et se place dans l'alignement du camp français. Puis il descend en piqué et largue 2 paniers de roquettes sur un bâtiment qui sert de messe aux soldats. Le bilan, vous le savez, est particulièrement lourd. 9 soldats et un humanitaire américain sont tués. Et on compte des dizaines de blessés. L'attaque était donc délibérée. Ah, j'en suis persuadé, même si ensuite les autorités ivoiriennes ont évoqué une bavure. Mais alors, pourquoi ? C'est la question à laquelle je vais m'efforcer de répondre. Et au-delà, et c'est le point le plus important, il faut essayer de savoir qui a commandité ce que le patron de la force Licorne a qualifié de bavure manipulée. Rendez-vous avec X. Côte d'Ivoire, le coup d'État. Tel est le titre d'un ouvrage du journaliste Charles Onana, plutôt favorable à Gbagbo. Voici comment il explique les mauvais rapports entre les présidents français et ivoiriens. Laurent Gbagbo n'a jamais été pour l'Élysée l'homme qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Il lui manque probablement cette médiocrité, cette cruauté qui caractérise les dirigeants africains chéris par l'Occident. Il n'est pas non plus très disposé à donner des mallettes remplies d'argent à tous les dirigeants français qui viennent en Côte d'Ivoire, comme le faisait volontiers son illustre prédécesseur Félix Houphouët-Boigny. Des appels de pied n'ont pourtant pas manqué. Cette scène, par exemple, racontée par Pierre Péan, d'un sac rempli de billets verts qui est convoyé à l'Élysée pour Dominique de Villepin par des Ivoiriens et Robert Bourgis. Car des dirigeants français ont toujours demandé de l'argent frais aux plus hautes autorités ivoiriennes. Sous Chirac et sous Sarkozy, les sollicitations ont été constantes auprès de Laurent Gbagbo. Ce dernier n'a pas toujours donné suite à ces multiples sollicitations. Néanmoins, certains proches des dirigeants français sont revenus à Paris avec les poches pleines en provenance d'Abidjan. Je ne vais pas me dérober, je vais faire de mon mieux pour identifier les vrais responsables du drame de Bouaké. Cependant, avant, il faut observer quelles ont été les conséquences immédiates de cette grave affaire. Ça nous permettra déjà d'esquisser un début de réponse. Enfin, n'allons pas trop vite. Et voyons d'abord quelles ont été les réactions des Français après la tragédie de Bouaké. Les représailles. Bien sûr. Selon la version officielle, le général Poncet, commandant de la force Licorne, est informé dans l'heure qui suit le bombardement. Il en réfère aussitôt à Paris. Et le chef d'état-major des armées, le général Bintéja, après avoir consulté le président Chirac, ordonne la destruction de toute l'aviation ivoirienne, soit 4 Sukhoi et plusieurs hélicoptères d'attaque Mi-24. Mais ça, c'est la version officielle. Oui, parce que la réalité aurait été sensiblement différente. En fait, les soldats de la garnison française présentent sur l'aérodrome de Yamoussoukro apprennent très vite ce qu'il s'est passé à Bouaké. Et de leur propre initiative, ils se précipitent sur les Sukhoi qui viennent d'atterrir et commencent à les démolir à la hache. À la hache, pour venger leurs camarades de Exactement. Bouaké. Exactement, oui. Et donc, sans avoir reçu un ordre de leur hiérarchie, hein. Et surtout avant même que Jacques Chirac et décider la destruction de l'aviation ivoirienne. Et d'une certaine façon, Paris ne fait qu'assumer après coup une destruction qui avait déjà commencé, et qui ensuite, avec le feu vert des autorités militaires, sera achevée par les hélicoptères et les blindés de la force Licorne. Et en dépit de ce que l'on a prétendu plus tard, cette destruction a vraisemblablement eu un coût humain assez lourd. Enfin, passons. Ce que je voulais surtout signaler, c'est que cette décision était très risquée. Quoi, la décision d'anéantir la flotte ivoirienne. Et pourquoi ? Nos troupes se trouvaient alors majoritairement engagées au nord, le long de la ligne de démarcation entre loyalistes et rebelles. Il restait donc peu de soldats aux abords d'Abidjan, là où résidaient la plupart des ressortissants français. Ouais, qui pouvaient alors être les victimes d'une vengeance des partisans de Gbagbo. C'est ce que je voulais dire. Et sur l'aéroport d'Abidjan, les deux transals qui étaient stationnés n'étaient gardés que par une poignée de militaires français. Or, à la télévision, le redoutable Charles Blé Goudé, le chef du mouvement des jeunes patriotes, a aussitôt appelé ses militants à se diriger vers l'aéroport. Ouais, pour répondre à la destruction des aéronefs ivoiriens. Et immédiatement, des combats très violents s'engagent entre ces hommes chauffés à blanc et les soldats français. Sur l'aéroport, 7 Ivoiriens sont tués et plusieurs militaires sont blessés. En même temps, le pire est à craindre au cœur même d'Abidjan, où une grosse manifestation ne tarde pas à dégénérer. Un peu partout dans la capitale, les intérêts français sont visés. Des villas, des installations, des bâtiments scolaires sont pillés. Et on assiste à de véritables combats de rue entre les militaires français et la foule des émeutiers. Et ça va durer plusieurs jours. Trois jours, exactement, jusqu'au 10 novembre. Et tandis que la France achemine des renforts pour venir en aide à la garnison française d'Abidjan, les militaires de la force Licorne commencent à procéder au rapatriement d'urgence des expatriés français. Et quelle est la réaction du gouvernement ivoirien ? À la télévision, Gbagbo appelle ses partisans au calme. Mais en même temps, il s'abstient de les désavouer. Ouais, double jeu, quoi. Ça y ressemble. Mais avant de poursuivre, il me faut opérer un petit retour en arrière qui donne peut-être l'une des clés de l'affaire de Bouaké. Dans la soirée du 7 novembre. Donc le lendemain du drame de Bouaké. Hein. C'est ça. Donc ce soir-là, le régiment qui a été bombardé la veille arrive à Abidjan avec ses 600 hommes et sa colonne de 60 blindés. Ouais. Ce sont les renforts attendus. En principe, oui. Et selon les déclarations officielles, ces militaires ont pour mission de prendre possession de l'hôtel Ivoire, cerné par les manifestants et où un contingent français est en difficulté. Mais assez curieusement, le régiment ne se dirige pas vers l'hôtel, mais prend position devant la résidence de Gbagbo, située quelques centaines de mètres plus loin. Est-ce que c'est une erreur ? C'est ce qu'ont prétendu les autorités militaires françaises. Le régiment se serait perdu. Mais l'explication ne tient pas debout. L'hôtel Ivoire, c'est un immeuble de 24 étages qu'on voit de très loin. Ouais, donc la colonne française a sciemment choisi de se présenter devant le palais présidentiel. J'en suis persuadé. C'est ce que prouve la lecture du carnet de route du régiment de Bouaké. La colonne arrivait vers 23h30, s'est dirigée tout droit vers la résidence présidentielle où elle a stationné jusqu'à 2h30, avant de repartir vers son cantonnement près de l'aéroport d'Abidjan, puis de se replier vers l'hôtel Ivoire. Ouais. Donc pendant près de 3 heures, ces blindés sont restés devant la résidence présidentielle. Un face-à-face forcément très tendu, car Gbagbo pouvait légitimement se sentir menacé, jusqu'au moment où enfin le régiment a levé le camp. Bon, d'accord, mais... dans quel but cette gesticulation ? Il ne faut pas oublier que ces soldats arrivaient de Bouaké, où ils avaient assisté à la mort de leurs camarades. Ouais, alors, une opération de représailles, et pour menacer Gbagbo, jugé responsable du drame, ou au moins lui faire peur ? Ou encore l'inciter à calmer au plus vite ses troupes. Il ne faut pas l'exclure, même si les soldats français n'ont pas l'habitude de prendre ce genre d'initiative sans y être autorisés. Alors, ils auraient reçu des ordres ? Je le crois. Je me répète, pourquoi ? Un début d'explication tient sans doute dans la présence aux côtés des militaires français du général Mathias Doué, chef d'état-major en disgrâce de l'armée ivoirienne. Et cette présence permet de formuler une hypothèse audacieuse. J'y reviendrai, car cette hypothèse jetterait une lumière nouvelle sur le drame de Bouaké. Mais encore une fois, n'allons pas trop vite. En tout cas, au bout de 3 heures, donc, les blindés se sont retirés. Paris aurait eu peur d'aller jusqu'au bout ? Car étant donné la situation insurrectionnelle qui prévalait à Abidjan, l'affaire aurait peut-être dégénéré en bain de sang. Et d'ailleurs, peu après, autour de cet hôtel ivoire assiégé par les manifestants, les soldats français devront tirer à balles réelles pour se dégager. Il y aura de nombreux morts ivoiriens. Alors, j'en viens à un autre volet de l'affaire de Bouaké. Le sort des mercenaires qui pilotaient les Sukhoi, et plus généralement de tous ceux qui ont été directement impliqués dans le bombardement de Bouaké. Et c'est une histoire proprement ahurissante. Eh bien, je vous écoute, même si déjà, vous aviez évoqué ce développement dans l'un de nos précédents entretiens. Sans doute, mais à l'époque, je ne savais pas tout. D'abord, les faits. De retour de leur mission de bombardement, les deux pilotes biélorusses, Boris Smahin et Yuri Souchkin, posent leurs appareils sur l'aéroport de Yamoussoukro sous les yeux éberlués des militaires français qui viennent tout juste d'apprendre ce qui s'est passé à Bouaké. Ça aurait pu très mal se finir pour ces pilotes. Oui, mais les deux aviateurs arrivent à gagner le palais présidentiel de Yamoussoukro, tandis que les deux appareils sont détruits au sol. Et ensuite, ils empruntent un véhicule afin de rejoindre Abidjan. Par la route, donc. Oui. Mais tout comme la douzaine d'autres mercenaires originaires des pays de l'Est qui se trouvent dans la capitale ivoirienne, ils sont arrêtés par les militaires de la force Licorne. Et j'imagine qu'ils doivent être interrogés. Oui, mais ils ne restent que 4 jours aux mains des militaires français, car le général Poncet, commandant la force Licorne, reçoit l'ordre de les remettre à des représentants des forces spéciales. Les forces spéciales françaises ? Oui, qui vont elles-mêmes les confier au consul de Russie en présence d'un délégué du Comité international de la Croix-Rouge. C'est donc Paris qui a donné cet ordre. Et qui a aussi opposé le secret défense sur le contenu des auditions de ces mercenaires. Ah, exactement comme s'il y avait quelque chose à cacher. On ne peut s'empêcher d'y penser. En tout cas, Poncet et ses officiers ont obéi. Ils n'ont pas pu faire autrement. Mais ils sont furieux d'avoir dû relâcher les meurtriers de Bouaké. Et à Paris, alors, qui a donné cet ordre ? Le ministre de la Défense, évidemment, Michel Alliot-Marie. Mais il n'est pas exclu qu'elle ait elle-même obéi à un ordre venu de plus haut. Jacques Chirac ? Ou son homme lige, Dominique de Villepin, le ministre de l'Intérieur qui, semble-t-il, s'est beaucoup intéressé à cette affaire ivoirienne. Alors que ça dépassait son domaine de compétence. Vous avez raison, mais parfois on assiste à de curieux détournements d'autorité au sommet du pouvoir. On en reparlera. En tout cas, la suite n'est pas moins étonnante. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Avant de poursuivre, une évidence. Les conséquences du drame de Bouaké ont été encore plus sanglantes qu'on a bien voulu le dire. J'en veux pour preuve ce récit du journaliste François Alexandre relayé par le site Slate. Et ça a commencé lors de la destruction des Sukhoi à Yamoussoukro, où plusieurs soldats ivoiriens ont été tués. La suite, Abidjan. Chauffé par Blé Goudé, le général de la rue, qui s'est installé devant les caméras de la télévision nationale, des dizaines de milliers de personnes déferlent dans les rues. Postée dans la soirée sur le toit de son ambassade, Gilda Lelidec expliquera n'avoir jamais vu une telle marée humaine. Le soir, des hélicoptères français tirent à balles réelles sur la foule qui tente de franchir les deux ponts sur la lagune pour atteindre le bataillon d'infanterie marine et le quartier français où les expatriés doivent être évacués à la hâte. Ils seront 7000 à fuir ainsi. Dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 novembre, les renforts arrivent enfin de Bouaké. Le régiment commandé par le colonel Destremo a forcé sur ses 350 km de route plusieurs barrages tenus par des patriotes. Sa destination officielle, l'hôtel Ivoire, mais la colonne de 60 blindés rate le palace décrépit et sa tour de 24 étages au bord de la lagune, visible à des kilomètres à la ronde, et se perd, entre guillemets, pour se retrouver dans l'allée qui conduit au domicile présidentiel. Elle finit par se retirer pour s'installer à l'Ivoire, où elle est prise au piège des milliers de manifestants. Le mardi 10, vers 16h, des snipers français embusqués dans des étages de l'hôtel ouvrent le feu, tuant plusieurs patriotes. Libérés, les mercenaires, dont les pilotes biélorusses, arrivent dans un autocar à la frontière togolaise. Ils se présentent comme des mécaniciens agricoles. Et quelle était alors leur intention? Manifestement, ils voulaient rallier le domicile de leur employeur à Lomé, l'ex-gendarme de l'Élysée, Robert Montoya. Mais, sans doute bien informés, les Togolais ne les ont pas laissés faire. Et sur ordre du ministre de l'Intérieur, François Bocou, les mercenaires ont été incarcérés. En même temps, le ministre a alerté Paris via l'ambassade de France. Oui, afin de faire savoir aux autorités françaises qu'il détenait les responsables du bombardement de Bouaké. Bien sûr. Et pour faire bonne mesure, il transmet leur identité. Mais la réaction de Paris est extraordinaire. Le ministre togolais, beaucoup, se voit demander par les Français de relâcher ces hommes. Il demande quand même une explication. Oui, hein. Et on lui répond que la France veut éviter de compliquer ses relations avec la Biélorussie. Ouais, c'est un prétexte complètement fantaisiste. Bien entendu. Et finalement, ces mercenaires recouvrent la liberté, rejoignent Montoya et sont exfiltrés discrètement du Togo par des policiers français du SCTIP, le Service de Coopération Technique Internationale de la Police. Voilà, un service très proche de la DST. Hein. Et donc sous la coupe du ministère de l'Intérieur ou Rémy Villepin. Comme par hasard. N'est-ce pas? Donc on n'a pas voulu récupérer, interroger et éventuellement mettre en examen ces mercenaires. Qu'on n'a jamais revu depuis. Oui, parce qu'ils auraient pu, eux, donner des explications précises sur l'affaire de Bouaké. Et en particulier des informations sur les véritables commanditaires de l'opération. Donc on n'a pas voulu qu'ils parlent. Ça me semble évident. Et dès ce moment commence le temps des mensonges et des dissimulations. Oui, il y a quand même une enquête. Forcément. Le 10 novembre, la justice française est officiellement saisie. Mais manifestement, elle va avancer à pas compter. Ouais, sans se presser. Et les seules vraies avancées ne se produiront que sous la pression des parties civiles, c'est-à-dire des familles des militaires tués à Bouaké. Et aussi, il faut le reconnaître, grâce à l'obstination de quelques-uns des différents juges d'instruction qui hériteront du dossier, mais devront sans cesse batailler contre le secret défense que les autorités militaires et politiques leur opposent. Alors, voyons cela plus précisément. Très vite, les corps des victimes sont rapatriés en France. Mais on s'abstient de pratiquer des autopsies. Ah, mais alors que dans une affaire de ce genre, elles sont généralement prescrites, non? Oui, autre sujet d'étonnement. Ce rapatriement macabre se fait sans grand respect pour les victimes et leurs familles. C'est si vrai que deux dépouilles seront interverties dans leur cercueil. Mais il y a malheureusement plus grave. Il faut par exemple attendre le mois de décembre 2005 pour qu'un mandat d'arrêt soit délivré contre les deux copilotes ivoiriens des Sukhoi. Ouais. Et les pilotes eux-mêmes alors? Pour eux, ce sera 15 mois après le bombardement. alors qu'ils étaient parfaitement identifiés. En effet, on apprendra même que dès leur arrivée sur le sol ivoirien, le 2 novembre, ils avaient été repérés, suivis et filmés par les forces françaises. Donc avant Bouaké, parce qu'on se méfiait déjà de ces mercenaires ? C'est certain. Or, devant la juge d'instruction, Michel Alioumari, ministre de la Défense, osera affirmer que les pilotes biélorusses n'avaient pas été identifiés après leur arrestation au Togo. Oui, c'est pourquoi on les aurait laissés filer. Un mensonge évident, car je vous le rappelle, le ministre togolais Boku avait remis les photocopies des passeports des deux pilotes à un représentant français dès leur arrestation au poste frontière. Mais la ministre changera ensuite de version et se défaussera sur un membre de son cabinet, conseiller pour les affaires juridiques. Cet homme, David Senna, lui aurait indiqué qu'il n'y avait pas de base juridique pour procéder à l'extradition des deux pilotes. C'est vrai ? Non. Auditionné à son tour, Senna déclare sous serment que non seulement il n'a pas été consulté, mais que s'il l'avait été, il n'aurait certainement pas donné cette réponse. Oui, pont sur le bec, hein, comme on dit au cadet enchaîné. Et un peu plus tard, y compris sur l'antenne de France Inter, ce même Senna ira plus loin. Il affirmera que l'affaire a été directement gérée par le ministère de l'Intérieur via ce service de coopération technique internationale de la police dont nous avons déjà parlé. Oui, ça dédouane en partie Alioumari, mais avec cette déclaration, on retrouve Dominique de Villepin. Qui, à son tour, va être entendu par la juge d'instruction. Alors que dit-il, lui ? Lors de sa longue déposition, plus de 5 heures, le ministre ne se rappelle pas avoir été prévenu par ses services de l'arrestation de mercenaires au Togo. Et c'est à peine s'il connaissait la situation de la Côte d'Ivoire. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est tout à fait cela. Pourtant, en recoupant toutes les informations et tous les témoignages, il apparaît que le dossier ivoirien a vraisemblablement été géré par un tout petit comité, au plus près du président de la République. Un comité qui aurait fait fi de tous les échelons de commandement habituels. Ce qui expliquerait que ni le patron de la force Licorne, le général Poncet, ni même le directeur de la DGSE n'aient été informés. Et donc aussi Michel Alioumari. Qui a essayé de masquer son ignorance avec des mensonges dérisoires et caricaturaux. Et ce comité, alors ? S'il a existé, Villepin, qui avait été précédemment ministre des Affaires étrangères et était le collaborateur le plus proche et le plus fidèle de Jacques Chirac, ne pouvait pas ne pas en avoir fait partie. Peut-être, mais enfin, on n'avait pas de preuves là, et surtout, ça n'explique pas ce qu'il s'est vraiment passé à Bouaké, et surtout pourquoi. Quand un peu de patience. Dans ce dossier, la justice semble paralysée. Et depuis le début, alors que la plainte des parties civiles est toujours pendante, la première juge d'instruction, Brigitte Reynaud, en fait une démonstration éclatante lorsqu'elle écrit ceci à son ministre de tutelle, Michel Alioumari. Et pourquoi Alioumari ? Parce que c'est d'abord le tribunal aux armées, aujourd'hui disparu, qui a hérité du dossier. Alors, voici ce que cette magistrate écrit. Je relève qu'à la fin de ma mission, aucun renseignement ne m'a été fourni sur les raisons pour lesquelles les mercenaires et leurs complices, identifiés comme auteurs de ce crime, bien qu'arrêtés immédiatement ou dans les jours qui ont suivi les faits, avaient été libérés sur instruction ou avec le consentement des autorités françaises sans avoir été déférés à la justice. Tout, ou presque, est dit, non ? En effet, mais l'instruction aujourd'hui se poursuit, non ? Oui, dans le cadre du tribunal de grande instance de Paris. La nouvelle juge d'instruction est même allée à La Haye pour y interroger Laurent Gbagbo dans sa cellule. L'ancien président ivoirien a nié toute responsabilité et chargé la France. Pour lui, Bouaké, c'est une bavure française. Un coup de billard à 3 bandes qui a mal tourné. Ça rappelle l'expression « bavure manipulée » utilisée par le général Poncet. Hein. Tout à fait. Et Gbagbo fait aussi état des aveux des copilotes ivoiriens des deux Sukhoi qui auraient fini par reconnaître que le bombardement était un objectif caché d'une opération militaire. Mais ils n'ont pu en dire plus. Ou voulu en dire plus. Hein. Mmh. Mais Gbagbo est-il vraiment crédible ? Parce que c'est, après tout, c'est la France qui a orchestré son renversement. Donc il pourrait se venger tout en se disculpant, c'est vrai. Alors ajoutons le témoignage de notre ambassadeur, Gilda Le Lidec. De nouveau auditionné, il répète qu'à son avis, Laurent Gbagbo est étranger au massacre de Bouaké. La preuve, c'est qu'il l'a vu le lendemain même. Il a rencontré un homme décomposé par la nouvelle du bombardement, qui a compris qu'on lui a tendu un piège. Alors, si ce n'est pas Gbagbo, qui a commandité le bombardement de Bouaké ? Pour comprendre et échafauder une hypothèse crédible, il faut rapprocher plusieurs points troublants. Le fait que Paris a tout tenté pour exfiltrer les acteurs. Ouais, les pilotes de Biélorusse, oui. C'est-à-dire ceux qui savaient. Ensuite, la fourniture des avions par un ex-gendarme devenu marchand d'armes qui entretenait forcément des liens avec les services secrets. Et enfin, la présence aux côtés du régiment de Bouaké qui semble assiéger la résidence de Gbagbo d'un général qui vient d'être mis au placard. Ah oui, qui aspire à revenir au premier plan. En destituant Gbagbo. Alors, tout cela me fait penser à une manœuvre initiée par Paris. Pour se débarrasser de l'encombrant Gbagbo, on va le rendre responsable d'une monumentale bavure, le bombardement par son aviation d'un camp français. Une provocation sanglante qui permettrait de déclencher des représailles. Et à terme de renverser Gbagbo qui serait illico remplacé par ce général. Un général bientôt limogé. D'accord, mais ça signifierait que Paris a sciemment sacrifié des soldats français. Il n'était peut-être pas prévu qu'il y ait autant de victimes. Et puis, quel argument aurait-on donné aux pilotes pour qu'ils attaquent le camp de Bouaké? Imaginez qu'on leur ait donné une fausse information. Par exemple, une rencontre entre des chefs rebelles et des militaires français à Bouaké. Une réunion prouvant la collusion entre les Français et les rebelles. Mais bien sûr, vous l'avez compris, ce n'est qu'une hypothèse. Et je n'oublie pas que les familles des victimes attendent toujours la vérité vraie, si j'ose dire. Cette émission a été réalisée par Michel Biou avec Basile Bocquer, mise en musique par Monsieur Joub, préparée par Rebecca de Nantes qui va nous dire ceci. Oui, je voulais vous signaler la sortie chez Grasset en septembre prochain des souvenirs du conseiller juridique de Michel Alliomari, David Sénat, avec peut-être de nouvelles révélations sur l'affaire de Bouaké, qui sait. Enfin, je voulais aussi donner mon coup de cœur de la semaine, un mensonge explosif. C'est le titre du thriller haletant et très documenté de Christophe Rédy-Gramont, inspiré de l'explosion meurtrière le 21 septembre 2001 de l'émission chimique AZF dans la banlieue de Toulouse. Et c'est publié chez Liana Lévy en 2014. Un autre livre, Le Grand Livre des Espions, récemment en librairie et coédité par France Inter. France Inter, où vous pourrez nous retrouver sur le site www.franceinter.fr à samedi prochain. Et tout de suite, après le flash, au devant l'amour de Denis Chessou.